بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le ciel se déchirera. أذنت لربها وحقت et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. وإذا الأرض مدت et que la terre sera nivelée. ألقت ما فيها وتخلت et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, les morts, et se videra. وأذنت لربها وحقت et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ celui qui recevra son livre en sa main droite فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا sera soumis à un jugement facile وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا et retournera réjoui auprès de sa famille. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا il invoquera la destruction sur lui-même, وَيَصْلَى سَعِيرًا et il brûlera dans un feu ardent. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا car il était tout joyeux parmi les siens. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ et il pensait que jamais il ne ressusciterait. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ non, je jure par le crépuscule وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ et par la nuit et ce qu'elle enveloppe وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ et par la lune quand elle devient pleine lune. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا vous passerez, certes, par des états successifs. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ qu'ont-ils à ne pas croire. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. لِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ or Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ annonce-leur donc un châtiment douloureux. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. À eux, une récompense jamais interrompue.